chapitre 37. Au milieu de l'agitation que lui causa ce bouleversement de sa destinée, elle passa quelques jours sans voir Bénédicte. Le courage avec lequel elle supporta l'épreuve de sa ruine raffermit un peu son âme, et elle trouva en elle assez de calme pour tenter d'autres efforts. Elle écrivit à Bénédicte. « Je vous supplie de ne point chercher à me voir durant cette quinzaine, que je vais passer dans la famille Léry. Comme vous n'êtes point entré à la ferme depuis le mariage d'Athénaïs, vous n'y sauriez reparaître maintenant sans afficher nos relations. Quelque invité que vous puissiez l'être par Madame Léry, qui regrette toujours votre désunion apparente, refusez si vous ne voulez m'affliger beaucoup. Adieu, je ne sais point ce que je deviendrai. J'ai 15 jours pour m'en occuper. Quand j'aurai décidé de mon avenir, je vous le ferai savoir et vous m'aiderez à le supporter, quel qu'il soit. V. » Ce billet jeta une profonde terreur dans l'esprit de Bénédicte. Il crut y voir cette décision tant redoutée qu'il avait fait révoquer si souvent à Valentine, mais qui, à la suite de tant de chagrins, devenait peut-être inévitable. Abattue, brisée sous le poids d'une vie si orageuse et d'un avenir si sombre, il se laissa aller au découragement. Il n'avait même plus l'espoir du suicide pour le soutenir. Sa conscience avait contracté des engagements envers le fils de Louise. Et puis, d'ailleurs, Valentine était trop malheureuse pour qu'il voulût ajouter ce coup terrible à tous ceux dont le sort l'avait frappé. Désormais qu'elle était ruinée, abandonnée, navrée de chagrins et de remords, son devoir à lui était de vivre pour s'efforcer de lui être utile et de veiller sur elle, en dépit d'elle-même. Louise avait enfin vaincu cette folle passion qui l'avait si longtemps torturée. La nature de ses liens avec Bénédicte, consolidée et purifiée par la présence de son fils, était devenue calme et sainte. Son caractère violent s'était adouci à la suite de cette grande victoire intérieure. Il est vrai qu'elle ignorait complètement le malheur qu'avait eu Bénédicte d'être trop heureux avec Valentine. Elle s'efforçait de consoler celle-ci de ses pertes, sans savoir qu'elle en avait fait une irréparable, celle de sa propre estime. Elle passait donc tous ses instants auprès d'elle et ne comprenait pas quelles nouvelles anxiétés pesaient sur Bénédicte. La jeune et vive Athénaïs avait personnellement souffert de ces derniers événements, d'abord parce qu'elle aimait sincèrement Valentine, et puis parce que le pavillon fermé, les douces réunions du soir interrompues, le petit parc abandonné pour jamais, gonflaient son cœur d'une amertume indéfinissable. Elle s'étonnait elle-même de n'y pouvoir songer sans soupirer. Elle s'effrayait de la longueur de ses jours et de l'ennui de ses soirées. Évidemment, il manquait à sa vie quelque chose d'important. Et Athénaïs, qui touchait à peine à sa 18e année, s'interrogeait naïvement à cet égard, sans oser se répondre. Mais, dans tous ses rêves, la blonde et noble tête du jeune Valentin se montrait parmi des buissons chargés de fleurs. Sur l'herbe des prairies, elle croyait courir poursuivie par lui. Elle le voyait grand, élancé, souple comme un chamois, franchir les haies pour l'atteindre. Elle folâtrait avec lui, elle partageait ses rires, si francs et si jeunes. Puis elle rougissait elle-même en voyant la rougeur monter sur ce front candide, en sentant cette main frêle et blanche brûler en touchant la sienne, en surprenant un soupir et un regard mélancolique à cet enfant dont elle ne voulait pas se méfier. Toutes les agitations timides d'un amour naissant, elle les ressentait à son insu. Et quand elle s'éveillait, quand elle trouvait à son côté ce Pierre Bluty, ce paysan si rude, si brutal en amour, si dépourvu d'élégance et de charme, elle sentait son cœur se serrer et des larmes venir au bord de ses paupières. Athénaïs avait toujours aimé l'aristocratie. Un langage élevé, lors même qu'il était au-dessus de sa portée et de son intelligence, lui semblait la plus puissante des séductions. Lorsque Bénédicte parlait d'art ou de science, elle l'écoutait avec admiration, parce qu'elle ne le comprenait pas. C'était par sa supériorité en ce genre qu'il l'avait longtemps dominée. Depuis qu'elle avait pris son parti de renoncer à lui, le jeune Valentin, avec sa douceur, sa retenue, la majesté féodale de son beau profil, son aptitude aux connaissances abstraites, était devenu pour elle un type de grâce et de perfection. Elle avait longtemps exprimé tout haut sa prédilection pour lui, mais elle commençait à ne plus oser, car Valentin grandissait d'une façon effrayante. Son regard devenait pénétrant comme le feu, et la jeune fermière sentait le sang lui monter au visage chaque fois qu'elle prononçait son nom. Le pavillon abandonné était donc un sujet involontaire d'aspiration et de regret. Valentin venait bien quelquefois embrasser sa mère et sa tante, mais la maison du ravin était assez éloignée de la ferme pour qu'il ne pût faire souvent cette course sans se déranger beaucoup de ses études. Et la première semaine parut mortellement longue à Madame Bluty. L'avenir devenait incertain. Louise parlait de retourner à Paris avec son fils et Valentine. D'autres fois, les deux sœurs faisaient le projet d'acheter une petite maison de paysan et d'y vivre solitaire. Bluty, qui était toujours jaloux de Bénédicte, quoiqu'il n'en eût guère sujet, parlait d'emmener sa femme en Marche où il avait des propriétés. De toutes les manières, il faudrait s'éloigner de Valentin. Athénaïs ne pouvait plus y penser sans des regrets qui portaient une vive lumière dans les secrets de son cœur. Un jour, elle se laissa entraîner par le plaisir de la promenade jusqu'à un pré fort éloigné qu'en bonne fermière, elle voulait parcourir. Ce pré touchait au bois de Vavray, et le ravin n'était pas loin sur la lisière du bois. Or, il arriva que Bénédicte et Valentin se promenaient par là, que le jeune homme aperçut, sur le vert foncé de la prairie, la taille alerte et bien prise de Madame Bluty, et qu'il franchit la haie sans consulter son mentor pour aller la rejoindre. Bénédicte se rapprocha d'eux, et ils causèrent quelque temps ensemble. Alors, Athénaïs, qui avait pour son cousin un reste de ce vif intérêt qui rend l'amitié d'une femme pour un homme si complaisante et si douce, s'aperçut des ravages que depuis quelques jours surtout, le chagrin avait faits en lui. L'altération de ses traits l'effraya, et passant son bras sous le sien, elle le pria avec insistance de lui dire franchement la cause de sa tristesse et l'état de sa santé. Comme elle s'en doutait un peu, elle eut la délicatesse de renvoyer Valentin à quelque distance en le chargeant de lui rapporter son ombrelle oubliée sous un arbre. Il y avait si longtemps que Bénédicte se contraignait pour cacher sa souffrance à tous les yeux, que l'affection de sa cousine lui fut douce. Il ne put résister au besoin de s'épancher, lui parla de son attachement pour Valentine, de l'inquiétude où il vivait séparé d'elle, et finit par lui avouer qu'il était réduit au désespoir par la crainte de la perdre à jamais. Athénaïs, dans sa candeur, ne voulut pas voir dans cette passion, qu'elle connaissait depuis longtemps, le côté délicat qui eût fait reculer une personne plus prudente. Dans la sincérité de son âme, elle ne croyait pas Valentine capable d'oublier ses principes, et jugeait cet amour aussi pur que celui qu'elle éprouvait pour Valentin. Elle s'abandonna donc à l'élan de la sympathie, et promit qu'elle solliciterait de Valentine une décision moins rigide que celle qu'elle méditait. « Je ne sais si je réussirai, » lui dit-elle avec cette franchise expansive qui la rendait aimable en dépit de ses travers. « mais je vous jure que je travaillerai à votre bonheur comme au mien propre. Puissais-je vous prouver que je n'ai jamais cessé d'être votre ami ?» Bénédicte, touchée de cet élan d'amitié généreuse, lui baisa la main avec reconnaissance. Valentin, qui revenait en ce moment avec l'ombrelle, vit ce mouvement et devint tour à tour si rouge et si pâle qu'Athénaïs s'en aperçut et perdit elle-même contenance. Mais, tâchant de se donner un air solennel et important, « Il faudra nous revoir, » dit-elle à Bénédicte, « pour nous entendre sur cette grande affaire. Comme je suis étourdie et maladroite, j'aurai besoin de votre direction. Je viendrai donc demain me promener par ici et vous dire ce que j'aurai obtenu. Nous aviserons aux moyens d'obtenir davantage. À demain !» Et elle s'éloigna légèrement, avec un signe de tête amical à son cousin. Mais ce n'est pas lui qu'elle regarda, en prononçant son dernier mot. Le lendemain, en effet, ils eurent une nouvelle conférence. Tandis que Valentin errait en avant sur le sentier du bois, Athénaïs raconta à son cousin le peu de succès de ses tentatives. Elle avait trouvé Valentine impénétrable. Cependant, elle ne se décourageait pas, et durant toute une semaine, elle travailla de tout son pouvoir à rapprocher les deux amants. La négociation ne marcha pas très vite. Peut-être la jeune plénipotentiaire n'était-elle pas fâchée de multiplier les conférences dans la prairie. Dans les intervalles de ses causeries avec Bénédicte, Valentin se rapprochait et se consolait d'être exclu du secret en obtenant un sourire et un regard qui valaient plus que 1000 paroles. Et puis, quand les deux cousins s'étaient tout dit, Valentin courait après les papillons avec Athénaïs, et tout en folâtrant, il réussissait à toucher sa main, à effleurer ses cheveux, à lui ravir quelques rubans ou quelques fleurs. À 17 ans, on en est encore à la poésie de Dora. Bénédicte, lors même que sa cousine ne lui apportait aucune bonne nouvelle, était heureux d'entendre parler de Valentine. Il l'interrogeait sur les moindres actes de sa vie. Il se faisait redire mot pour mot ses entretiens avec Athénaïs. Enfin, il s'abandonnait à la douceur d'être encouragé et consolé, sans se douter des funestes conséquences que devaient avoir ses relations si pures avec sa cousine. Pendant ce temps, Pierre Bluty était allé en marche pour donner un coup d'œil à ses affaires particulières. À la fin de la semaine, il revint par un village où se tenait une foire et où il s'arrêta pour 24 heures. Il y rencontra son ami Simoneau. Un malheureux hasard avait voulu que Simoneau se fût énamouré depuis peu d'une grosse gardeuse d'oies, dont la chaumière était située dans un chemin creux à 3 pas de la prairie. Il s'y rendait chaque jour, et de la lucarne d'un grenier à foin qui servait de temple à ses amours rustiques, il voyait passer et repasser dans le sentier Athénaïs appuyée sur le bras de Bénédicte. Il ne manqua pas d'incriminer ses rendez-vous. Il se rappelait l'ancien amour de Mademoiselle Léry pour son cousin. Il savait la jalousie de Pierre Bluty. Et il n'imaginait pas qu'une femme pût venir trouver un homme, causer confidentiellement avec lui, sans y porter des sentiments et des intentions contraires à la fidélité conjugale. Dans son gros bon sens, il se promit d'avertir Pierre Bluty, et il n'y manqua pas. Le fermier entra dans une fureur épouvantable et voulut partir sur le champ pour assommer son rival et sa femme. Simoneau le calma un peu en lui faisant observer que le mal n'était peut-être pas aussi grand qu'il pouvait le devenir. « Foi de Simoneau, lui dit-il, j'ai presque toujours vu le garçon à Mademoiselle Louise avec eux, mais à environ 30 pas. Il pouvait les voir. Aussi, je pense bien qu'il ne pouvait pas faire grand mal. Mais il pouvait en dire, car lorsqu'ils s'approchaient d'eux, ils avaient soin de le renvoyer. Ta femme lui tapait doucement sur la joue et le faisait courir bien loin, afin de causer à son aise, apparemment. « Voyez-vous l'effronter !» disait Pierre Bluty en se mordant les poings. Ah, je devais bien m'en douter que cela finirait ainsi. Ce freluquet-là, il en compte à toutes les femmes. Il a fait la cour à Mademoiselle Louise en même temps qu'à ma femme avant son mariage. Depuis, il est au su de tout le monde qu'il a osé courtiser Madame de Lansac. Mais celle-là est une femme honnête et respectable qui a refusé de le voir et qui a déclaré qu'il ne mettrait jamais les pieds à la ferme tant qu'elle y serait. Je le sais bien, peut-être. J'ai entendu qu'elle le disait à sa sœur le jour où elle est venue loger chez nous. Maintenant, faute de mieux, ce monsieur veut bien revenir à ma femme. Qu'est-ce qui me répondra d'ailleurs qu'ils ne s'entendent pas depuis longtemps? Pourquoi était-elle si entichée ces derniers mois d'aller au château tous les soirs, contre mon gré? C'est qu'elle le voyait, là. Et il y a un diable de parc où ils se promenaient tous deux tant qu'ils voulaient. 20 000 tonnerres, je m'en vengerai. À présent qu'on a fermé le parc, ils se donnent rendez-vous dans le bois. C'est tout clair. Sais-je ce qui se passe la nuit? Mais triple diable, me voici. Nous verrons si cette fois Satan défendra sa peau. Je leur ferai voir qu'on n'insulte pas impunément Pierre Bluty. S'il te faut un camarade, tu sais que je suis là, répondit Simoneau. Les deux amis se pressèrent la main et prirent ensemble le chemin de la ferme. Cependant, Athénaïs avait si bien plaidé pour Bénédicte, elle avait avec tant de candeur et de zèle défendu la cause de l'amour. Elle avait surtout si bien peint sa tristesse, l'altération de sa santé, sa pâleur, ses anxiétés. Elle l'avait montré si soumis, si timide, que la faible Valentine s'était laissée fléchir. En secret même, elle avait été bien aise de voir solliciter son rappel, car à elle aussi, les journées semblaient bien longues et sa résolution bien cruelle. Bientôt, il n'avait plus été question que de la difficulté de se voir. « Je suis forcée, avait dit Valentine, de me cacher de cet amour comme d'un crime. Un ennemi que j'ignore et qui sans doute me surveille de bien près a réussi à me brouiller avec ma mère. Maintenant, je sollicite mon pardon, car quel autre appui me reste? Mais si je me compromets par quelque nouvelle imprudence, elle le saura, et il ne faudra plus espérer la fléchir. Je ne puis donc pas aller avec toi à la prairie. » « Non, sans doute, dit Athénaïs, mais il peut venir ici. » « Y songes-tu ? Reprit Valentine. « Outre que ton mari s'est prononcé souvent à cet égard d'une manière hostile, et que la présence de Bénédicte à la ferme pourrait faire naître des querelles dans ta famille et dans ton ménage, rien ne serait plus manifeste pour me compromettre que cette démarche, après 2 ans écoulés sans reparaître ici. Son retour serait remarqué et commenté comme un événement, et nul ne pourrait douter que j'en fusse la cause. « Tout cela est fort bien, dit Athénaïs. Mais qui l'empêche de venir ici à la brune sans être observé? Nous voici en automne, les jours sont courts. À 8 heures, il fait nuit noire. À 9 heures, tout le monde est couché. Mon mari, qui est un peu moins dormeur que les autres, est absent. Quand Bénédicte serait, je suppose, à la porte du verger sur les 9h30, quand j'irai le lui ouvrir, quand vous causeriez dans la salle basse 1 heure ou 2, quand il retournerait chez lui vers 11 heures avant le lever de la lune, eh bien, qu'y aurait-il de si difficile et de si dangereux? Valentine fit bien des objections. Athénaïs insista, supplia, pleura même, déclara que ce refus causerait la mort de Bénédicte. Elle finit par l'emporter. Le lendemain, elle courut triomphante à la prairie et y porta cette bonne nouvelle. Le soir même, Bénédicte, munie des instructions de sa protectrice et connaissant parfaitement les lieux, fut introduit auprès de Valentine et passa 2 heures avec elle. Il réussit dans cette aventure à reconquérir tout son empire. Il la rassura sur l'avenir, lui jura de renoncer à tout bonheur qui lui coûterait un regret, pleura d'amour et de joie à ses pieds et la quitta, heureux de la voir plus calme et plus confiante, après avoir obtenu un second rendez-vous pour le lendemain. Mais le lendemain, Pierre Bluty et Georges Simoneau arrivèrent à la ferme. Bluty dissimula assez bien sa fureur et observa sa femme attentivement. Elle n'alla point à la prairie. Il n'en était plus besoin. Et d'ailleurs, elle craignait d'être suivie. Bluty prit des renseignements autour de lui avec autant d'adresse qu'il en fut capable. Et il est vrai de dire que les paysans n'en manquent point lorsqu'une des cordes épaisses de leur sensibilité est enfin mise en jeu. Tout en affectant un air d'indifférence assez bien joué, il eut tout le jour l'œil et l'oreille au guet. D'abord, il entendit un garçon de charrue dire à son compagnon que Charmette, la grande chienne fauve de la ferme, n'avait pas cessé d'aboyer depuis 9h30 jusqu'à minuit. Ensuite, il se promena dans le verger et vit le sommet d'un mur en pierre sèche qui l'entourait un peu dérangé. Mais un indice plus certain, ce fut un talon de botte marqué en plusieurs endroits sur la glaise du fossé. Or, personne à la ferme ne faisait usage de bottes. On n'y connaissait que les sabots ou les souliers ferrés à triple rang de clous. Alors, Bluty n'eut plus de doute. Pour s'emparer à coup sûr de son ennemi, il sut renfermer sa colère et sa douleur. Et vers le soir, il embrassa assez cordialement sa femme en disant qu'il allait passer la nuit à une métairie que possédait Simoneau, à une demi-lieue de là. On venait de finir les vendanges. Simoneau, qui avait fait sa récolte un des derniers, avait besoin d'aide pour surveiller et contenir, pendant cette nuit, la fermentation de ses cuves. Cette fable n'inspira de doute à personne. Athénaïs se sentait trop innocente pour s'effrayer des projets de son mari. Il se retira donc chez son compagnon et, brandissant avec fureur une de ces lourdes fourches en fer dont on se sert dans le pays pour affêter le foin sur les charrettes en temps de récolte, il attendit la nuit avec une cuisante impatience. Pour lui donner du cœur et du sang-froid, Simoneau le fit boire. Chapitre 38. 7 heures sonnèrent. La soirée était froide et triste. Le vent mugissait sur le chaume de la maisonnette et le ruisseau, gonflé par les pluies des jours précédents, remplissait le ravin de son murmure plaintif et monotone. Bénédicte se préparait à quitter son jeune ami et il commençait, comme la veille, à lui bâtir une fable sur la nécessité de sortir à une pareille heure, lorsque Valentin l'interrompit. « Pourquoi me tromper ?» lui dit-il tout à coup en jetant sur la table d'un air résolu le livre qu'il tenait. « Vous allez à la ferme. » Immobile de surprise, Bénédicte ne trouva point de réponse. « Eh bien, mon ami, » dit le jeune homme avec une amertume concentrée, « allez donc et soyez heureux, vous le méritez mieux que moi, et si quelque chose peut adoucir ce que je souffre, c'est de vous avoir pour rival. » Bénédicte tombait des nues. Les hommes ont peu de perspicacité pour ces sortes de découvertes. Et d'ailleurs, ses propres chagrins l'avaient trop absorbé depuis longtemps pour qu'il pût s'être aperçu que l'amour avait fait irruption aussi chez cet enfant dont il avait la tutelle. Étourdi de ce qu'il entendait, il s'imagina que Valentin était amoureux de sa tante, et son sang se glaça de surprise et de chagrin. « Mon ami, » dit Valentin en se jetant sur une chaise d'un air accablé, « je vous offense, je vous irrite, je vous afflige peut-être, vous que j'aime tant. Me voilà forcé de lutter contre la haine que vous m'inspirez quelquefois. Tenez, Bénédicte, prenez garde à moi, il y a des jours où je suis tentée de vous assassiner. » « Malheureux enfant !» s'écria Bénédicte en lui saisissant fortement le bras. Vous osez nourrir un pareil sentiment pour celle que vous devriez respecter comme votre mère ? Comme ma mère, reprit-il avec un sourire triste. Elle serait bien jeune, ma mère. Grand Dieu ! Dit Bénédicte consterné. Que dira Valentine ? Valentine ? Et que lui importe ? D'ailleurs, pourquoi n'a-t-elle pas prévu ce qui arriverait ? pourquoi a-t-elle permis que chaque soir nous réunît sous ses yeux? Et vous-même, pourquoi m'avez-vous pris pour le confident et le témoin de vos amours? Car vous l'aimez, maintenant je ne puis m'y tromper. Hier, je vous ai suivi, vous alliez à la ferme, et je ne suppose point que vous y alliez si secrètement pour voir ma mère ou ma tante. Pourquoi vous en cacheriez-vous? Ah, ça! Que voulez-vous donc dire? S'écria Bénédicte, dégagé d'un poids énorme. Vous me croyez amoureux de ma cousine? Qui ne le serait? Répondit le jeune homme avec un naïf enthousiasme. Viens, mon enfant, dit Bénédicte en le pressant contre sa poitrine. Crois-tu à la parole d'un ami? Eh bien, je te jure sur l'honneur que je n'eus jamais d'amour pour Athénaïs et que je n'en aurai jamais. Es-tu content maintenant? Serait-il vrai? S'écria Valentin en l'embrassant avec transport. Mais en ce cas, que vas-tu donc faire à la ferme? M'occuper, répondit Bénédicte embarrassé, d'une affaire importante pour l'existence de madame de Lansac. Forcé de me cacher pour ne pas rencontrer Bluty, avec lequel je suis brouillé, et qui pourrait, à juste titre, s'offenser de ma présence chez lui. Je prends quelques précautions pour parvenir auprès de ma tante. Ses intérêts exigent tous mes soins. C'est une affaire d'argent que tu comprendrais peu. Que t'importe d'ailleurs? Je te l'expliquerai plus tard. Il faut que je parte. Il suffit, dit Valentin. Je n'ai pas d'explication à vous demander. Vos motifs ne peuvent être que nobles et généreux. Mais permets-moi de t'accompagner, Bénédicte. Je le veux bien, pendant une partie du chemin, répondit-il. Ils sortirent ensemble. « Pourquoi ce fusil ?» dit Bénédicte en voyant Valentin passer à ses côtés l'arme sur l'épaule. « Je ne sais, je veux aller avec toi jusqu'à la ferme. Ce Pierre Bluty te hait, je le sais. S'il te rencontrait, il te ferait un mauvais parti. Il est lâche et brutal. Laisse-moi t'escorter. Tiens, hier soir, je n'ai pu dormir tant que tu n'as pas été rentré. Je faisais des rêves affreux. Et à présent que j'ai le cœur déchargé d'une horrible jalousie, à présent que je devrais être heureux, je me sens dans l'humeur la plus noire que j'ai eue de ma vie. Je t'ai dit souvent, Valentin, que tu as les nerfs d'une femme. Pauvre enfant, ton amitié m'est douce pourtant. Je crois qu'elle réussirait à me faire supporter la vie quand tout le reste me manquerait. Ils marchèrent quelque temps en silence, puis ils reprirent une conversation interrompue et brisée à chaque instant. Bénédicte sentait son cœur se gonfler de joie à l'approche du moment qui devait le réunir à Valentine. Son jeune compagnon, d'une nature plus frêle et plus impressionnable, se débattait sous le poids de je ne sais quel pressentiment. Bénédicte voulut lui montrer la folie de son amour pour Athénaïs et l'engager à lutter contre ce penchant dangereux. Il lui fit des mots de la passion une peinture sinistre. Et pourtant, d'ardentes palpitations de joie démentaient intérieurement ses paroles. « Tu as raison, peut-être, lui dit Valentin. Je crois que je suis destiné à être malheureux. Du moins, je le crois ce soir, tant je me sens oppressé et abattu. Reviens de bonne heure, entends-tu, ou laisse-moi t'accompagner jusqu'au verger. » « Non, mon enfant, non !» dit Bénédicte en s'arrêtant sous un vieux saule qui formait l'angle du chemin. « Rentre, je serai bientôt près de toi et je reprendrai ma mercuriale. »« Eh bien, qu'as-tu ? » ?»« Tu devrais prendre mon fusil. »« Quelle folie !»« Tiens, écoute !» dit Valentin. Un cri rauque et funèbre partit au-dessus de leur tête. « C'est un engoulevent, répondit Bénédicte. Il est caché dans le tronc pourri de cet arbre. Veux-tu l'abattre? Je vais le faire partir. » Il donna un coup de pied contre l'arbre. L'oiseau partit d'un vol oblique et silencieux. Valentin l'ajusta, mais il faisait trop sombre pour qu'il pût l'atteindre. L'engoulevent s'éloigna en répétant son cri sinistre. « Oiseau de malheur ! » dit le jeune homme. « Je t'ai manqué !» N'est-ce pas celui-là que les paysans appellent l'oiseau de la mort ? Oui, dit Bénédicte avec indifférence. Ils prétendent qu'ils chantent sur la tête d'un homme une heure avant sa fin. Gare à nous. Nous étions sous cet arbre quand il a chanté. Valentin haussa les épaules, comme s'il eût été honteux de ses puérilités. Cependant, il pressa la main de son ami avec plus de vivacité que de coutume. « Reviens bientôt, » lui dit-il. Et ils se séparèrent. Bénédicte entra sans bruit et trouva Valentine à la porte de la maison. « J'ai de grandes nouvelles à vous apprendre, » lui dit-elle. « Nous ne restons pas dans cette salle. La première personne venue pourrait nous y surprendre. Athénaïs me cède sa chambre pour une heure. Suivez-moi. » Depuis le mariage de la jeune fermière, on avait arrangé et décoré, pour les nouveaux époux, une assez jolie chambre au rez-de-chaussée. Athénaïs l'avait offerte à son amie et avait été attendre à la fin de sa conférence dans la chambre que celle-ci occupait à l'étage supérieur. Valentine y conduisit Bénédicte. Pierre Bluty et Georges Simoneau quittèrent à peu près à la même heure la métairie où ils avaient passé l'après-dîner. Tous deux suivaient en silence un chemin creux sur le bord de l'Indre. « Sacrebleu, Pierre, tu n'es pas un homme !» dit Georges en s'arrêtant. « On dirait que tu as fait un crime. Tu ne dis rien, tu as été pâle et défait comme un linceul tout le jour, à peine si tu marches droit. Comment ? C'est pour une femme que tu te laisses ainsi démoraliser ?»« Ce n'est plus tant l'amour que j'ai pour la femme. » répondit Pierre d'une voix creuse et en s'arrêtant. « Que la haine que j'ai pour l'homme ! Celle-là me fige le sang autour du cœur. Et quand tu dis que je vais faire un crime, je crois que tu ne te trompes pas. »« Ah, ça, plaisantes-tu ? » dit Georges en s'arrêtant à son tour. « Je me suis associé avec toi pour donner une roulée. »« Une roulée, jusqu'à ce que mort s'en suive. » reprit l'autre d'un ton grave. « Il y a assez longtemps que sa figure me fait souffrir. Il faut que l'un de nous deux cède la place à l'autre cette nuit. »« Diable, c'est plus sérieux que je ne pensais. Qu'est-ce donc que tu tiens là en guise de bâton, il fait si noir. Est-ce que tu es obstiné à emporter cette diable de fourche ?»« Peut-être. Mais dis donc, n'allons pas nous jeter dans une affaire qui nous mènerait aux assises, dah !» Cela ne m'amuserait pas, moi qui ai femme et enfant. Si tu as peur, ne viens pas. J'irai, mais pour t'empêcher de faire un mauvais coup. Ils se remirent en marche. Écoutez, dit Valentine en tirant de son sein une lettre cachetée de noir. Je suis bouleversée, et ce que je sens en moi me fait horreur de moi-même. Lisez. Mais si votre cœur est aussi coupable que le mien, « Taisez-vous, car j'ai peur que la terre ne s'ouvre pour nous engloutir. » Bénédicte, effrayée, ouvrit la lettre. Elle était de Franck, le valet de chambre de M. de Lansac. M. de Lansac venait d'être tué en duel. Le sentiment d'une joie cruelle et violente envahit toutes les facultés de Bénédicte. Il se mit à marcher avec agitation dans la chambre, pour dérober à Valentine une émotion qu'elle condamnait, mais dont elle-même ne pouvait se défendre. Ses efforts furent vains. Il s'élança vers elle, et, tombant à ses pieds, il la pressa contre sa poitrine dans un transport d'ivresse sauvage. « À quoi bon feindre un recueillement hypocrite ? » s'écria-t-il. « Est-ce toi ? Est-ce Dieu que je pourrais tromper ? N'est-ce pas Dieu qui règle nos destinées ? N'est-ce pas lui qui te délivre de la chaîne honteuse de ce mariage ? N'est-ce pas lui qui purge la terre de cet homme faux et stupide ? Taisez-vous, dit Valentine en lui mettant ses mains sur la bouche. Voulez-vous donc attirer sur nous la vengeance du ciel ? N'avons-nous pas assez offensé la vie de cet homme ? Faut-il l'insulter jusqu'après sa mort ? Oh, taisez-vous, cela est un sacrilège. Dieu n'a peut-être permis cet événement que pour nous punir et nous rendre plus misérables encore. Craintive et folle Valentine, que peut-il donc nous arriver maintenant? N'es-tu pas libre? L'avenir n'est-il pas à nous? Eh bien, n'insultons pas les morts, j'y consens. Bénissons au contraire la mémoire de cet homme qui s'est chargé d'aplanir entre nous les distances de rang et de fortune. Béni soit-il pour t'avoir faite pauvre et délaissée comme te voilà, car sans lui, je n'aurais pu prétendre à toi. Ta richesse, ta considération eussent été des obstacles que ma fierté n'eût pas voulu franchir. À présent, tu m'appartiens. Tu ne peux pas, tu ne dois pas m'échapper, Valentine. Je suis ton époux, j'ai des droits sur toi. Ta conscience, ta religion t'ordonnent de me prendre pour appui et pour vengeur. Oh, maintenant, qu'on vienne t'insulter dans mes bras, si on l'ose. Moi, je comprendrai mes devoirs. Moi, je saurai la valeur du dépôt qui m'est confié. Moi, je ne te quitterai pas. Je veillerai sur toi avec amour. Que nous serons heureux. Vois donc comme Dieu est bon, comme après les rudes épreuves, il nous envoie les biens dont nous étions avides. Te souviens-tu qu'un jour, tu regrettais ici de n'être pas fermière, de ne pouvoir te soustraire à l'esclavage d'une vie opulente pour vivre en simple villageoise sous un toit de chaume? Eh bien, voilà, ton vœu est exaucé. Tu seras suzeraine dans la chaumière du ravin. Tu courras parmi les taillis avec ta chèvre blanche. Tu cultiveras tes fleurs toi-même. Tu dormiras sans crainte et sans souci sur le sein d'un paysan. Chère Valentine, que tu seras belle sous le chapeau de paille des faneuses, que tu seras adorée et obéie dans ta nouvelle demeure. Tu n'auras qu'un serviteur et qu'un esclave, ce sera moi. Mais j'aurai plus de zèle à moi seule que toute une livrée. Tous les ouvrages pénibles me concerneront. Toi, tu n'auras d'autre soin que d'embellir ma vie et de dormir parmi les fleurs à mon côté. Et d'ailleurs, nous serons riches. J'ai doublé déjà la valeur de mes terres. J'ai 1000 francs de rente. Et toi, quand tu auras vendu ce qui te reste, tu en auras à peu près autant. Nous arrondirons notre propriété. Oh, ce sera une terre magnifique! Nous aurons ta bonne Catherine pour factotum. Nous aurons une vache et son veau, que sais-je? Allons, réjouis-toi donc, fais donc des projets avec moi. Hélas, je suis accablée de tristesse, dit Valentine, et je n'ai pas la force de repousser vos rêves. Ah, parle-moi encore de ce bonheur. Dis-moi qu'il ne peut nous fuir, je voudrais y croire. « Mais pourquoi donc t'y refuser ?»« Je ne sais, » dit-elle en mettant sa main sur sa poitrine. « Je sens là un poids qui m'étouffe. Le remords, oh oui, c'est le remords. Je n'ai pas mérité d'être heureuse, moi. Je ne dois pas l'être. J'ai été coupable, j'ai trahi mes serments. J'ai oublié Dieu. Dieu me doit des châtiments et non des récompenses. »« Chasse ces noires idées !» Pauvre Valentine, te laisseras-tu donc ainsi ronger et flétrir par le chagrin? En quoi donc as-tu été si criminelle? N'as-tu pas résisté assez longtemps? N'est-ce pas moi qui suis le coupable? N'as-tu pas expié ta faute par ta douleur? Oh oui, mes larmes auraient dû m'en laver. Mais hélas, chaque jour m'enfonçait plus avant dans l'abîme. Et qui sait si je n'y aurais pas croupi toute ma vie? Quel mérite aurais-je à présent? Comment réparerais-je le passé? Toi-même, pourras-tu m'aimer toujours? Auras-tu confiance en celle qui a trahi ses premiers serments? Mais Valentine, pense donc à tout ce qui devrait te servir d'excuse. Songe donc à ta position malheureuse et fausse. Rappelle-toi ce mari qui t'a poussée à ta perte avec préméditation. À cette mère qui a refusé de t'ouvrir ses bras dans le danger, à cette vieille femme qui n'a trouvé rien de mieux à te dire à son lit de mort que ses religieuses paroles. Ma fille, prends un amant de ton rang. Ah, il est vrai, dit Valentine, faisant un amer retour sur le passé. Il traitait tous la vertu avec une incroyable légèreté. Moi seul qu'ils accusaient, je concevais la grandeur de mes devoirs, et je voulais faire du mariage une obligation réciproque et sacrée. Mais ils riaient de ma simplicité. L'un me parlait d'argent, l'autre de dignité, un troisième de convenance. L'ambition ou le plaisir, c'était là toute la morale de leurs actions, tout le sens de leurs préceptes. Ils m'invitaient à faillir et m'exhortaient à savoir seulement professer les dehors de la vertu. Si, au lieu d'être le fils d'un paysan, tu eusses été duc et pair, mon pauvre Bénédicte, ils m'auraient porté en triomphe. Sois-en sûr, et ne prends donc plus les menaces de leur sottise et leur méchanceté pour les reproches de ta conscience. » Lorsque 11 heures sonnèrent au coucou de la ferme, Bénédicte s'apprêta à quitter Valentine. Il avait réussi à la calmer, à l'enivrer d'espoir, à la faire sourire. Mais au moment où il la pressa contre son cœur pour lui dire adieu, elle fut saisie d'une étrange terreur. « Et si j'allais te perdre ?» lui dit-elle en pâlissant. « Nous avons prévu tout, hormis cela. Avant que tout ce bonheur se réalise, tu peux mourir, Bénédicte. » « Mourir ? » lui dit-il en la couvrant de baisers. « Est-ce qu'on meurt quand on s'aime ainsi ?» Elle lui ouvrit doucement la porte du verger et l'embrassa encore sur le seuil. « Te souviens-tu ? » lui dit-il tout bas, « que tu m'as donné ici ton premier baiser sur le front ?»« À demain !» lui répondit-elle. Elle avait à peine regagné sa chambre qu'un cri profond et terrible retentit dans le verger. Ce fut le seul bruit, mais il fut horrible et toute la maison l'entendit. En approchant de la ferme, Pierre Blutis avait vu de la lumière dans la chambre de sa femme, qu'il ne savait pas être occupée par Valentine. Il avait vu passer distinctement 2 ombres sur le rideau, celle d'un homme et celle d'une femme. Plus de doute pour lui. En vain, Simoneau avait voulu le calmer, désespérant d'y parvenir et craignant d'être inculpé dans une affaire criminelle. Il avait pris le parti de s'éloigner. Blutis avait vu la porte s'entr'ouvrir. Un rayon de lumière qui s'en échappait lui avait fait reconnaître Bénédicte. Une femme venait derrière lui. Il ne put voir son visage parce que Bénédicte le lui cacha en l'embrassant. Mais ce ne pouvait être qu'Athénaïs. Le malheureux jaloux dressa alors sa fourche de fer au moment où Bénédicte, voulant franchir la clôture du berger, monta sur le mur en pierre sèche à l'endroit qui portait encore les traces de son passage de la veille. Il s'élança pour sauter et se jeta sur l'arme aiguë. Les 2 pointes s'enfoncèrent bien avant dans sa poitrine et il tomba, baigné dans son sang. À cette même place, 2 ans auparavant, il avait soutenu Valentine dans ses bras la première fois qu'elle était venue furtivement à la ferme pour voir sa sœur. Une rumeur affreuse s'éleva dans la maison à la vue de ce crime. Blutis s'enfuit et s'alla remettre à la discrétion du procureur du roi. Il lui raconta franchement l'affaire. L'homme était son rival, il avait été assassiné dans le jardin du meurtrier. Celui-ci pouvait se défendre en assurant qu'il l'avait pris pour un voleur. Aux yeux de la loi, il devait être acquitté. Aux yeux du magistrat auquel il confiait avec franchise la passion qu'il avait fait agir et le remords qui le déchirait, il trouva grâce. Il fut résulté des débats un horrible scandale pour la famille Léry, la plus nombreuse et la plus estimée du département. Il n'y eut point de poursuite contre Pierre Blutis. On apporta le cadavre dans la salle. Valentine recueillit encore un sourire, une parole d'amour et un regard vers le ciel. Il mourut sur son sein. Alors, elle fut entraînée dans sa chambre par Léry, tandis que Madame Léry emmenait de son côté Athénaïs évanouie. Louise, pâle, froide, et conservant toute sa raison, toutes ses facultés pour souffrir, resta seule auprès du cadavre. Au bout d'une heure, Léry vint la rejoindre. « Votre sœur est bien mal, » lui dit le vieillard consterné. « Vous devriez aller la secourir. Je remplirai, moi, le triste devoir de rester ici. » Louise ne répondit rien et entra dans la chambre de Valentine. Léry l'avait déposée sur son lit. Elle avait la face verdâtre. Ses yeux rouges et ardents ne versaient pas de larmes. Ses mains étaient raidies autour de son cou. Une sorte de râle convulsif s'exhalait de sa poitrine. Louise, pâle aussi, mais calme en apparence, prit un flambeau et se pencha vers sa sœur. Quand ces deux femmes se regardèrent, il y eut entre elles comme un magnétisme horrible. Le visage de Louise exprimait un mépris féroce, une haine glaciale. Celui de Valentine, contracté par la terreur, cherchait vainement à fuir ce terrible examen, cette vengeresse apparition. « Ainsi, dit Louise en passant sa main furieuse dans les cheveux épars de Valentine, comme si elle eût voulu les arracher, « c'est vous qui l'avez tué. »« Oui, c'est moi, moi, moi !» bégaya Valentine, hébétée. « Cela devait arriver, dit Louise. Il l'a voulu, il s'est attaché à votre destinée, et vous l'avez perdue. Eh bien, achevez votre tâche, prenez aussi ma vie, car ma vie, c'était la sienne, et moi, je ne lui survivrai pas. Savez-vous quel double coup vous avez frappé? Non, vous ne vous flattiez pas d'avoir fait tant de mal. Eh bien, triomphez, vous m'avez supplanté, vous m'avez rongé le cœur tous les jours de votre vie, et vous venez d'y enfoncer le couteau. C'est bien, Valentine, vous avez complété l'œuvre de votre race. Il était écrit que de votre famille sortiraient pour moi tous les maux. Vous avez été la fille de votre mère, la fille de votre père, qui savait, lui aussi, faire si bien couler le sang. C'est vous qui m'avez attirée dans ces lieux, que je ne devais jamais revoir. Vous qui, comme un basilic, m'y avez fascinée et attachée, afin d'y dévorer mes entrailles à votre aise. Ah, vous ne savez pas comme vous m'avez fait souffrir. Le succès a dû passer votre attente. Vous ne savez pas comme je l'aimais, cet homme qui est mort. Mais vous lui aviez jeté un charme, et il ne voyait plus clair autour de lui. Oh, je l'aurais rendu heureux, moi. Je ne l'aurais pas torturé comme vous avez fait. Je lui aurais sacrifié une vaine gloire et d'orgueilleux principes. Je n'aurais pas fait de sa vie un supplice de tous les jours. Sa jeunesse, si belle et si suave, ne se serait pas flétrie sous mes caresses égoïstes. Je ne l'aurais pas condamné à dépérir, rongé de chagrin et de privation. Ensuite, je ne l'aurais pas attiré dans un piège pour le livrer à un assassin. Non, il serait aujourd'hui plein d'avenir et de vie s'il eût voulu m'aimer. Soyez maudite, vous qui l'en avez empêché. » En proférant ces imprécations, la malheureuse Louise s'affaiblit et finit par tomber mourante aux pieds de sa sœur. Quand elle revint à la vie, elle ne se souvint plus de ce qu'elle avait dit. Elle soigna Valentine avec amour, elle l'accabla de caresses et de larmes. Mais elle ne put effacer l'affreuse impression que cette confession involontaire lui avait faite. Dans ses accès de fièvre, Valentine se jetait dans ses bras en lui demandant pardon avec toutes les terreurs de la démence. Elle mourut 8 jours après. La religion versa quelques baumes sur ses derniers instants, et la tendresse de Louise adoucit ce rude passage de la terre au ciel. Louise avait tant souffert que ses facultés, rompues au joug de la douleur, trempées au feu des passions dévorantes, avait acquis une force surnaturelle. Elle résista à ce coup affreux et vécut pour son fils. Pierre Bluty ne put jamais se consoler de sa méprise. Malgré la rudesse de son organisation, le remords et le chagrin le rongeaient secrètement. Il devint sombre, hargneux, irritable. Tout ce qui ressemblait à un reproche l'exaspérait, parce que le reproche s'élevait encore plus haut en lui-même, Il eut peu de relations avec sa famille durant l'année qui suivit son crime. Athénaïs faisait de vains efforts pour dissimuler l'effroi et l'éloignement qu'il lui inspirait. Madame Léry se cachait pour ne pas le voir, et Louise quittait la ferme les jours où il devait y venir. Il chercha dans le vin une consolation à ses ennuis, et parvint à s'étourdir en s'enivrant tous les soirs. Un soir, il s'alla jeter dans la rivière, que la clarté blanche de la lune lui fit prendre pour un chemin sablé. Les paysans remarquèrent, comme une juste punition du ciel, que sa mort arriva jour pour jour, heure pour heure, un an après celle de Bénédicte. Plusieurs années après, on vit bien du changement dans le pays. Athénaïs, héritière de 200 000 francs légués par son parrain, le maître de forge, acheta le château de Rimbaud et les terres qui l'environnaient. Monsieur Léry, poussé par sa femme à cet acte de vanité, vendit ses propriétés, ou plutôt les troqua. Les malins du pays disent avec perte. Contre les autres terres de Rimbaud. Les bons fermiers s'installèrent donc dans l'opulente demeure de leurs anciens seigneurs, et la jeune veuve put satisfaire enfin ses goûts de luxe qu'on lui avait inspirés dès l'enfance. Chapitre 39 et dernier. Louise, qui avait été achevée à Paris l'éducation de son fils, fut invitée alors à venir se fixer auprès de ses fidèles amis. Valentin venait d'être reçu médecin. On l'engageait à se fixer dans le pays, où M. Faure, devenu trop vieux pour exercer, lui léguait avec empressement sa clientèle. Louise et son fils revinrent donc, et trouvèrent chez cette honnête famille l'accueil le plus sincère et le plus tendre. Ce fut une triste consolation pour eux que d'habiter le pavillon. Pendant cette longue absence, le jeune Valentin était devenu un homme. Sa beauté, son instruction, sa modestie, ses nobles qualités, lui gagnaient l'estime et l'affection des plus récalcitrants sur l'article de la naissance. Cependant, il portait bien légitimement le nom de Rimbaud. Madame Léry ne l'oubliait pas et disait tout bas à son mari que c'était peu d'être propriétaire si l'on était seigneur. Ce qui signifiait, en d'autres termes, qu'il ne manquait plus à leur fille que le nom de leurs anciens maîtres. Monsieur Léry trouvait le jeune médecin bien jeune. « Eh !» disait la mère Léry, « notre Athénaïs l'est bien aussi. Est-ce que nous ne sommes pas de la même âge, toi et moi ? Est-ce que nous en avons été moins heureux pour ça ?» Le père Léry était plus positif que sa femme. Il disait que l'argent attire l'argent, que sa fille était un assez beau parti pour prétendre non seulement à un rôle, mais encore à un riche propriétaire. Il fallut céder, car l'ancienne inclination de Madame Bluty se réveilla avec une intensité nouvelle en retrouvant son jeune écolier si grand et si perfectionné. Louise hésita. Valentin, partagé entre son amour et sa fierté, se laissa pourtant convaincre par les brûlants regards de la belle veuve. Athénaïs devint sa femme. Elle ne put résister à la démangeaison de se faire annoncer dans les salons aristocratiques des environs sous le titre de « comtesse de Rimbaud ». Les voisins en firent des gorges chaudes, les uns par mépris, les autres par envie. La vraie comtesse de Rimbaud intenta à la nouvelle un procès pour ce fait, mais elle mourut et personne ne songea plus à réclamer. Athénaïs était bonne, elle fut heureuse. Son mari, doué de l'excellent caractère et de la haute raison de Valentine, l'a facilement dominée et corrigée doucement de beaucoup de ses travers. Ce qui lui reste la rendent piquante et la font aimer comme le feraient des qualités, tant elle les reconnaît avec franchise. La famille Léry est raillée dans le pays pour ses vanités et ses ridicules. Cependant, nul pauvre n'est rebuté à la porte du château. Nul voisin n'y réclame vainement un service. On en rit par jalousie plutôt que par pitié. Si quelque ancien compagnon du vieux Léry lui adresse parfois une lourde épigramme sur son changement de fortune, Léry s'en console en voyant que la moindre avance de sa part est reçue avec orgueil et reconnaissance. Louise se repose auprès de sa nouvelle famille de la triste carrière qu'elle a fournie. L'âge des passions a fui derrière elle. Une teinte de mélancolie religieuse s'est répandue sur ses pensées de chaque jour. Sa plus grande joie est d'élever sa petite fille blonde et blanche qui perpétue le nom bien-aimé de Valentine et qui rappelle à sa très jeune grand-mère les premières années de cette sœur chérie. En passant devant le cimetière du village, le voyageur a vu souvent le bel enfant jouer aux pieds de Louise et cueillir des primes vertes qui croissent sur la double tombe de Valentine et de Bénédicte.